J'avoue, j'avoue, refait, j'étais mal habillé, je sais. Mes sentiments emportés par moi l'authenticité. Ce que je ressentais pour elle en vérité était de l'amour et du respect. Ce qui me semble fatal, des histoires d'amour insoutenables. Je passe à table et je lui tape un speech. Ta jupe est trop courte à mon goût, ma biche. Dans ces conditions-là, je me vois de mettre un terme à notre relation. Je sais, c'est dur à encaisser, mais avec le temps, tu vas m'oublier. Belle comme t'es, des crevards, on aura en quantité. L'amour m'a souvent mal reçu, mais bon, la vie continue. Et dans ces moments-là, tu peux compter que sur un mi-fa pour retrouver le moral ici-bas. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements, prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements, prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements, prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Quand tu sors de la voiture, claque la porte, au revoir sale. Tu m'as mis la M sale, t'as essayé de te faire mon pote. Mais manque de bol, il t'a pas trouvé sexy. Tu t'es pris un vent, c'est pas grave chérie. Tu recommenceras avec un autre. Et lui, il te fera tout ce que t'as envie. J'espère pour toi que tu te feras pas chier au lit. Ceci n'est pas un clash envers toutes les meufs, mais pour toutes celles qui se sentent visées. Je te le promets, y'en a un paquet. Car en vérité, la perle rare est dure à trouver. Alors fais-moi du vent, laisse-moi tranquille dorénavant. Oublie-moi dès maintenant. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Cette jolie demoiselle, elle m'a déçu à un point. Essaie pas de t'excuser, car entre nous, y'a plus moyen. Au jour d'aujourd'hui, ma vie se poursuit. Je suis vexé ainsi, mon esprit s'enrichit. Je prends de l'expérience, ainsi je me méfie des apparences. Sa beauté face à son intelligence est une infirmité. Cette femme est fine et futée, dans ma tête je suis tenté, tenté. Viens ici ma belle, j'ai quelque chose à t'apprendre. Y'a pas que tes yeux qui me font kiffer. Pour m'attirer, je saute dessus, j'ai craqué. Elle m'a pris pour un crevard. J'ose même pas te raconter la suite de l'histoire. Elle pensait tout noir que je voulais m'éclater au plus marre. Pour l'histoire d'un soir, je lui ai dit: écoute ma belle, je suis pas un bar. Je veux juste trouver le grand amour, me poser pour un long séjour. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements. Prends tes clics et tes claques dans ton sac en partout. Tout, tes vêtements.